Coco Netherland. Je suis au Netherland. Si, je t'entends. Ouais. Putain, cette latence encore. Il est bien ton VPN. Vas-y, vas-y. Continue, continue. Ah, j'active le métronome parce que... On est à contre-temps. Ouais. Quand même. C'est bizarre. Non, mais je pense que c'est comme ça que c'est censé marcher. Hein. Ben, ce que je comprends pas, c'est que d'habitude, quand on joue avec d'autres gens, on commence tous sur le temps numéro 1, quoi. Enfin, quand t'es avec des musiciens qui savent compter et qui démarrent au 1. Ouais. Est-ce que c'est parce que tu sais pas compter, Will? Et ouais. Que tu démarres au temps 3? Mais c'est peut-être ça notre problème. Bah non, non. Non, non. Bon, après, je fais ça de la main gauche, je regarde même pas, mais... Non, non, mais je suis pas régulier, ouais. Mais je non, moi, c'était là, plutôt ouais. Sur le... Bon, 5, on a 3 temps 6, d'écart. 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a 3 temps, ouais, c'est 3, c'est chiant, c'est bancal, 3. Mais ouais. Encore si on avait 4 temps d'écart. C'est quand même pas simple. Encore 4, hein, si c'était bon. Je comprends pas trop, moi. Et si là, on essaie de... T'as ton... clavier là avec toi, du coup, bah oui. Tu veux pas faire un test? Tu veux pas faire un do? Ouais. Moi? Toi. Ça, c'est ton do. Ok, donc on a la même tonalité déjà. Mais c'est normal, non? Bah, je sais pas. C'est temporel, ça. La dernière fois, on a lu des trucs et où j'ai vu une vidéo, là, le mec il disait que. Ouais, c'est bien de se rassurer. Bah, ouais, déjà, la tonalité, ah ouais, c'est la même. Altérer, déjà, bon. Et vas-y, du coup, si on a 3 temps d'écart, moi je sais que mon temps fort, du coup, c'est le 3. Tu peux ouais. Essayer toi. Je serais moins surpris. Je commence sur le 1 du coup. Hein. Ouais, vas-y. Thank you. ça c'est. Parce que moi, je me recale sur toi, du coup, ce que je sens qu'on n'est pas ensemble, ça marche pas, parce que toi, tu te redécales sur moi, c'est trop bizarre. 3 temps, quoi. Putain, y a pas idée. On essaye un autre pour voir? Un autre.